MS3 représente pour tous les gens que j'aime. Oui, toi qui m'écoutes là, toi. Garçon, gère, et toi tu digères. C'est ça. Aïe. Eh ouais, ce morceau est pour toi, en tout cas. Vas-y, dis-leur, le bois, dis-leur. Eh ouais, pour toi, toi là qui écoute là. Pas l'autre, toi. Pas l'un. Vas-y, écoute. Aïe. Les dignes. La cabu, mon secteur, Marseille, ma ville. Où je vis, où je ris, où je pleure avec mes potes. Je mange pas trop chaud, mais tu ris. MS3, 57, là où j'étais, là où je suis. Où je serai encore, Inch'Allah. Partout porter les couleurs de la JC, mais une fierté. Alors respecter, là où je viens, la bourrosité. Allumer, jeter, fumer, jeter. Mais c'est la vie, et maintenant faut représenter. Aïe, futurement faire qu'un tri, Bédanjou, Tobo Saïd et BR Billy. Alias ou Marc, Rebo ou Black. Non, c'est Alibali, j'oublie pas. T'inquiète, je suis là. Des Dino, la Hagra, ça paye pas. Comme a dit parrain, au rap et respect comme loot pas. Tu pars jusqu'à la cabu, on est là. Dédicace à la Miss Sophie et Lydia, Sonia, ma femme, et la Miss Farah. Pour Amel et Anna, pour les gens que j'aime. Et surtout pour ma famille que j'oublie pas. Sans gêne, je sais que ça en jette. Espèce de chienne, tu m'écoutes, la MC. Représenté, parrain, loot pas. MS3, des Dino, et oui, c'est nous. Présenté depuis tout petit et une fierté. MS3. Qui m'écoute là, pour les gens qu'on aime. Un gros doigt pour les chiens. Représenter depuis tout petit est une fierté. MS3, sans son nom je veux pas le voir. Regarde là, toi. Qui m'écoute là, pour les gens qu'on aime. Un gros doigt pour les chiens. Salin gros mon quartier, c'est là où je vis, là où j'ai vécu. MS3 en force, déchaîné pour une bête féroce. Mais pas test trop du cul. Ce saut je dédicace à MS3 et à ma classe. Dans la France, on va y laisser nos traces de casse. Je passe mon temps à écrire des textes, à rapper, à faire preuve de grain, à parler. Pas comme certains qui passent leur temps à se branler. Dédicace à toi qui écoute là, toi étant une fa. Je fais le fou, une ta race, toi étant mafia. Caractère de demeure et alors. Je fais le fou du temps, mais pas dehors. Je te rassure, MC, ça c'est pas du rap hardcore. Dédicace à tous ceux que j'apprécie, qui m'apprécient. Je fais pas de soucis, mon issue est sortie d'ici. Représente. On présente Saint-Lazare, mon ghetto de terre, qui n'a jamais été le ghetto millionnaire. Dédicace aux honneurs du quartier, du charbonneur et guetteur. 143, 171, 221, 287, 168 ARS, QNC. On présente NFS, de Nassu, Faïs, Samy, c'est l'équipe. Dès que tu les vois, écarter peut-être grosse fesse. Dédicace à mon bras droit et à son équipe de choc. Dès que tu les vois, tu te choques. Dédicace à toutes les personnes qui aiment notre son. Et la famille oubliée, c'est le parrain qui rappe. Kunzi et Pierre représentent toutes mes origines. Dédicace à toutes les personnes que j'aime. Aïe. MS3 en force. Déchaîné contre bête féroce. Hein, te casse. MS3. Zé le DPA. Dino parrain. Te casse. Dédicace à DMH. Équipe sans barrière. NFS. Lydia. Soso. Soso. En moitié. À tous ceux qui apprécient les trois. Sophie, Sarah, Katie, Yusra. Ewa, MS3, ton guerrier, le casse, l'album bientôt disponible. Ton guerrier, tu peux pas perdre.